Bonjour Helmut. Bonjour. Comment ça s'est passé le week-end? C'était bien. Mais c'était surprenant. Mes amis, j'ai fini par passer une journée de marabout finlandais, c'était hier. J'étais tranquillement en train de faire la sieste dans ma voisine du cinquième, quand d'un seul coup, qu'est-ce que j'entends à la radio? Que c'était le grand rendez-vous annuel des pur sang les plus prestigieux le jour même. Un rendez-vous de pur sang à Paris, je ne suis pas invité. Ma voisine me dit de me calmer, qu'il s'agit en fait d'une course hippique, du Grand Prix de l'Arc de Triomphe, et qu'il n'y avait pas de raison que je le prenne mal. Étant du signe aussi zodiacal que chinois du canasson, je file à Longchamp. J'arrive sur place, et là, mes amis, que du beau linge, de la bourgeoise en chapeauté de partout. Je repère une greluche bien accompagnée. Alors quand je dis bien accompagnée, ça veut dire beaucoup plus jeune que le truc qu'elle a au bout du bras qui lui sert de cavalier. Tenez, un exemple. La nouvelle copine de Paul Lussulitzer, elle est bien accompagnée. Très bien même. Enfin bref, je me place à côté d'elle et discrètement, je lui mets la main sur le croup. Sans me regarder, ça c'est un signe de vraie cochonne. Elle me dit, dites donc, vous manquez pas d'air. Ce à quoi je réponds, j'espère que toi non plus tu manques pas d'air. Je vais t'emmener plonger en apnée au royaume des plaisirs, ma loutre. Et te réjouis pas si tu vois passer une bulle, elle risque d'être pleine. Vous y connaissez en chevaux? Si je m'y connais, dans l'intimité on m'appelle Orasie le Magnifique. Et je vous parle pas de ma queue de cheval. Mais vous avez les cheveux courts, t'as tout compris. J'aime bien les hommes intrépides. Si jamais vous me donnez le gagnant de la course, je vais avec vous dans les écuries à la fin. Oh, ni une ni deux, j'aborde le premier cheval qui passait par là. Hé, hey, toi! Oh, toi! Ah, quand même. J'aimerais savoir, à ton avis, qui c'est qui va gagner la course tout à l'heure? Ok, Dogeschen. Faut parler cheval? Ouais, couramment. Alors voilà, faut tout miser sur le 14, un poulain français de 3 ans qui s'appelle Bago. Et les conseils de mon ami le Calasso sont avérés de bons tuyaux. C'est bien Bago qui a gagné la course. 5 minutes après l'arrivée, la Radas m'a pris par la main, elle m'a emmené dans les écuries. Elle s'est mise dans un box et m'a demandé de lui laisser 2 minutes pour se préparer. Une fois les 2 minutes écoulées, je suis rentré dans les box comme un fou. La bave aux lèvres et les shorts tendus comme une arbalète de concours. 10 secondes après, je suis ressorti du box encore plus fou. Ma pouliche était en fait un étalon en talon haut. Rien n'a envie au Calasson, je vous assure. Quand j'ai raconté ça à Zouzou, il était vert de jalousie. Bon, je vous laisse. Je suis allé filer un coup de main à Didier Porte. Ah, il est un peu nerveux avant son spectacle. Il est au point virgule ce soir. Allez, on vit des zènes.